Section 11. Chapitre 29. Le Tōkaidō. Il est déjà tard, et il faut songer à rentrer ce soir même à Yokohama. Les jinriki piaffent à la porte de l'auberge. À peine sommes-nous montés dans les voitures qu'ils partent comme le vent. Nous reprenons notre course à travers ce pays enchanteur, plein de bosquets, de jardins fleuris, de bois sacrés et de vallons frais. La route est assez animée et nous pouvons faire des études sur le personnel des chemins japonais. Les femmes, les enfants voyagent beaucoup. Les maisons japonaises, qui n'ont presque pas de mobilier, peuvent s'abandonner facilement et à tout propos, des familles entières partent en pèlerinage afin de voir du pays, de s'instruire et de se distraire. Il y a très longtemps que le Japon a des guides illustrés pour les voyageurs. Sous ce rapport, nous n'avons rien à lui apprendre. Il y a les guides sérieux, les guides humoristiques et même les guides inconvenants avec gravures à l'appui. Nous arrivons rapidement au Tōkaidō, la grande route du Japon, créée de temps immémorial et terminée sous le règne de Kamuteno, 802 ans après Jésus-Christ. Ce chemin va de Yedo à Kyoto. Dans les endroits montagneux, il est, comme les voies romaines, pavé de larges blocs irréguliers. Les matsu, pins, qu'on avait plantés à droite et à gauche de cette route, sont devenus superbes. Et là où le vent et la foudre ne les ont pas renversés, ils donnent au paysage un aspect de grandeur tout particulier. Nous sommes à Fuzisawa, bourg important où il y a un superbe temple bouddhique que nous visitons à la hâte car nous sommes pressés. Nous aurons d'ailleurs occasion de revenir ici en allant à Kyoto. Dans la grande cour du temple, je suis frappé de trois choses. La beauté des arbres, la forme bizarre d'un campanile et l'odeur pénétrante et suave qui se répand partout. Cette odeur est donnée par la fleur en grappe jaune d'un arbre chinois, Moke Sei, aux feuilles vert sombre. On dit que cette fleur parfume le thé qu'on envoie en Europe, car il est à remarquer que le thé dont se servent les Japonais a très peu d'odeur. Des statues sont placées çà et là, les unes en pierre, les autres en bronze. La plupart sont recouvertes de petites pierres que les fidèles jettent dessus. Si la pierre reste en place, c'est un indice que la prière est acceptée. Si la pierre tombe, c'est un très mauvais présage. L'interprète me dit « Ce sont des bouddhas, ils guérissent des maux de dents ». Cette explication me paraissant insuffisante, j'entre dans le temple où je trouve un sacristain en train de faire sa caisse et de compter la recette de la journée. Cette opération paraît l'avoir mis de bonne humeur et il semble très disposé à me donner des renseignements. Il m'apprend que le dieu représenté à l'infini dans la cour du temple est Jizo, personnage qui dans sa vie a pratiqué la charité et qui maintenant exerce un rôle funéraire en faveur des petits-enfants. L'une de ses statues de bronze est fort belle. Le saint homme est assis sur une énorme fleur de lotus, le pied gauche pendant. D'une main, il tient un petit enfant et de l'autre, un sistre à anneaux. Il a la tête entièrement rasée et porte le costume des prêtres. Quelquefois, il y a ensemble six statues du même personnage, dans des attitudes diverses. Il ne faudrait pas croire qu'il y a là six dieux différents. Non seulement ces représentations sacrées sont couvertes des pierres que leur jettent les adorateurs, mais un grand nombre ont des collerettes et des bonnets d'étoffe que la pluie a défraîchis. Autour du principal sanctuaire, il y a une frise de bas-relief à jour, dans le style chinois, et qui représente, comme à Katase, des miracles dus au sortilège. Je remarque l'homme au crapaud à trois pattes, un autre marchant sur la mer au moyen d'un sabre qui lui sert de bateau, un troisième préfère monter sur un tigre pour naviguer, tandis qu'un quatrième chevauche sur un poisson. Et puis des représentations angéliques de femmes zélées jouant de différents instruments, le concert du ciel bouddhique. Enfin, des luttes et des combats contre des serpents bruns, des dragons verts et autres démons. Il paraît que c'est aujourd'hui la fête du pays. On dresse des mâts pour y suspendre des drapeaux et le devant des maisons se garnit de grosses lanternes. Les jeunes filles sont dans tous leurs atours, excepté quelques retardataires, travailleuses acharnées, qui vannent le riz sur le bord du chemin. Elles ont eu soin d'entourer leur tête du tenogui, arrangé en mitre, afin de préserver contre la poussière la coiffure de fête préparée dès le matin. Mais ne nous attardons pas, le soleil baisse, vite, en voiture. Nous partons grand train. Les paysages grandioses défilent à droite et à gauche comme si nous étions en chemin de fer. Les grands arbres se tordent au bord de la route dans des attitudes étranges. Parfois, si le chemin monte, nous allons à pied. Mais dès que nous sommes à la descente, Nos hommes repartent avec une vitesse vertigineuse. C'est ainsi que nous arrivons à Totska, qui est une longue rue de 3 kilomètres. Tous les habitants ont un air endimanché. Les jeunes filles, fort jolies, ont leurs plus beaux costumes. C'est aussi la fête du pays. Les grosses lanternes rondes festonnent le toit des maisons et forment jusque dans le lointain une guirlande sans fin de perles monstrueuses. Nous voudrions bien nous arrêter pour jouir de la fête pendant la nuit. Mais le temps nous presse et nous passons comme le vent au milieu des rues animées à travers les groupes étonnés qui nous regardent en souriant. Il arrive pourtant un moment où nos hommes s'arrêtent pour respirer et avaler quelques tasses de riz. Dans ce relais, je trouve d'autres jinrikis d'un type superbe et dont le corps nu nous laisse voir des tatouages fort curieux. On me dit que le gouvernement interdit maintenant ce genre d'ornement. Je vous demande un peu ce que cela peut lui faire. Mais quand on est en train de réglementer, le difficile est de s'arrêter à temps et au point convenable. La nuit arrive, il faut reprendre notre course échevelée. Nous traversons une partie du Tōkaidō dont on a abaissé le niveau pour diminuer les pentes. Les grands arbres séculaires sont restés suspendus en haut de la tranchée et se penchent sur l'abîme, avec des gestes effrayants comme s'ils voulaient protester contre cette civilisation d'ingénieurs qui envahit le Japon. À peine avons-nous le temps d'admirer ces silhouettes pittoresques qui se détachent en noir sur le ciel bleu et étoilé. Nos hommes sont pressés de rentrer et paraissent vouloir briser leurs voitures et leurs jarrets plutôt que d'arriver en retard. Pour couper au plus court, nous prenons des chemins de traverse épouvantables dont la nuit cache les fondrières. Mais cela n'ôte rien à l'ardeur infernale de nos jinriki. Ils vont toujours à grande vitesse, sans s'inquiéter des chaos qui nous font bondir et nous cassent les membres. Enfin, les lumières de Yokohama, que nous voyons à travers les arbres, se rapprochent et nous donnent l'espoir que ce supplice d'une jinriki pressée va finir. Effectivement, la route s'améliore et les hommes en profitent pour aller encore plus vite. Rien ne les arrête que la porte de l'hôtel, où ils échouent, haletants et toujours gracieux. Chapitre 30. Au théâtre. Il n'y a pas de théâtre à Yokohama ? Mais si, certainement. Qu'est-ce qu'on y joue ? Rien du tout. Il n'y a pas de troupe en ce moment. Et quand il y a des acteurs, quel genre de pièces représente-t-on ? La dernière fois, on a joué la Belle Hélène. Ah, par exemple, ceci est trop fort. Les Japonais se lancent dans l'opérette. Les Japonais eux-mêmes chantent la musique du maestro Offenbach. Où prenez-vous que les Japonais chantent la Belle Hélène ? Ils n'ont rien à voir dans cette affaire. Je vous parle de troupes françaises. Ah, pardon. Comme je ne suis pas venu au Japon pour entendre chanter de l'Offenbach, je vous parlais, moi, de troupes japonaises. C'est bien différent. Eh bien, y a-t-il à Yokohama un théâtre japonais ? Je ne pourrais vous renseigner, car je ne m'occupe pas de ces machines-là. Voilà généralement la nature des renseignements que j'obtiens auprès des résidents pour tout ce qui concerne les choses du Japon. Pourtant, je finis par savoir qu'il y a dans la ville le théâtre de Minatoza, où nous pourrons voir des pièces japonaises. Et le soir même, malgré une pluie battante, je me fourre dans un jirikesha fermé et accompagné de regamets, je vole à la représentation. L'entrée est grillée de grosses barres de bois qui forment des cages, dans lesquelles sont installés les caissiers, les contrôleurs, les placeurs et même le bureau des cannes. Pardon, je veux dire le vestiaire, où l'on dépose ses chaussures. Par le temps affreux qu'il fait, les guettas sont de rigueur, et le vestiaire est encombré de petits tabourets de tout format, soigneusement numérotés, que les auditeurs remettront à leurs pieds pour s'en retourner. Des faisceaux d'immenses parapluies en papier jaune garnissent les angles et forment de petits ruisseaux sur le plancher. La salle se compose d'un vaste parterre et d'un rang de première galerie où sont des loges. Ce n'est ni un parterre assis, ni un parterre debout, mais c'est un parterre accroupi. Les spectateurs s'assoient sur leurs talons et restent dans cette position, familière aux Japonais, pendant tout le temps de la représentation qui dure souvent la journée entière et une partie de la nuit. Des séparations carrées de 30 cm de haut divisent le parterre en compartiments figurant des espèces de loges découvertes. Ces séparations sont assez larges pour qu'on puisse marcher facilement dessus. Elles forment des sentiers que l'on suit pour gagner sa place ou pour se retirer. C'est aussi sur ces chemins surélevés que, pendant les entr'actes, les marchands de programmes, les marchands de gâteaux ou de thé passent au milieu des spectateurs qui, généralement étant venus là pour s'amuser complètement, consomment tout le temps. Dans chaque compartiment, il y a un petit brasero, non pas comme moyen de chauffage, il fait certes assez chaud, mais pour que hommes, femmes, enfants puissent fumer de temps à autre la petite pipe dont on vide les cendres dans un tube de bambou au moyen d'un coup sec et violent dont le bruit incessamment répété est la première chose que je remarque en entrant. Outre les séparations praticables dont j'ai parlé, il y a deux chemins plus larges, à droite et à gauche, et qui, placés à la hauteur de la scène, permettent aux acteurs de faire leur entrée autrement que par le fond du théâtre, et donnent parfois l'occasion de représenter des scènes différentes et simultanées. Un de ces chemins est assez large pour que des voitures, des bateaux à roulettes puissent y circuler, mais c'est toujours sur le théâtre que l'action se passe. On ne représente dans la salle que les scènes d'introduction et de sortie. Nous nous installons dans une loge de galerie, assez près d'une loge d'avant-scène, où siège un policeman tout seul, chargé sans doute de maintenir l'ordre, que personne du reste ne songe à troubler. Le public est très nombreux et fort animé. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants de tout âge. On voit que l'on est venu là en famille. C'est toujours, à mon avis, une bonne note pour la moralité d'un pays lorsque la famille entière est admise au divertissement. La salle est éclairée au gaz, et malgré la pluie qui a rafraîchi l'air, la chaleur est intense. Aussi les spectateurs se sont mis à leur aise en se dépouillant le plus possible de leurs vêtements que quelques jeunes gens ont supprimés tout à fait. Je me figure que cette assemblée élégante, lettrée et à demi nue doit donner une idée du public athénien assistant aux représentations du théâtre de Bacchus. Mais voilà bien une autre réminiscence de l'Antiquité. L'acte commence. Dans une loge grillée de l'avant-scène, un homme joue de la guitare, sa mycène, et parle d'un ton larmoyant et cadencé. Il raconte au public la situation et de temps en temps décrit les sentiments des acteurs pendant que ceux-ci expriment par leurs gestes et leur physionomie les mouvements de leur âme. Or, cet homme qui sert ainsi d'intermédiaire poétique entre l'acteur et le spectateur, qui s'adresse parfois aux héros de la pièce pour leur donner du courage ou de la prudence, qui conseille les uns, invective les autres, qui annonce, explique et conclut, qui pleure, s'indigne, s'émotionne, palpite avec le drame, cet homme est le cœur antique dans toute sa pureté. Chapitre 31. Les coulisses. Au-dessous du chœur se tient un régisseur de la scène, armé de deux rectangles de bois massif avec lesquels il fait déroulement sur une petite tablette excessivement sonore. C'est dans les moments pathétiques qu'il frappe à tour de bras et souligne les paroles de l'acteur par un étourdissant trémolo. Il est également chargé d'annoncer à coups redoublés l'entrée des acteurs principaux. C'est à la fois un appel à l'attention du public, une réplique pour l'artiste et une réclame pour les chefs d'emploi. De l'autre côté de la scène, dans les coulisses, se tient l'orchestre et un souffleur chargé des cantonades. Les comédiens parlent en faisant beaucoup chanter la voix, qui monte et descend sur chaque phrase. Mais cela n'a rien de la mélopée criarde et conventionnelle des acteurs chinois. Les Japonais sont vraiment acteurs, et à part certaines habitudes théâtrales, comme celle d'exagérer les grimaces aux endroits dramatiques, ils jouent avec beaucoup de naturel et non sans talent. Les rôles de femmes sont remplis par des hommes. On me dit qu'il y a des troupes composées exclusivement de femmes et dans lesquelles les rôles d'hommes sont joués par des travestis. Il y a aussi des troupes d'enfants. La pièce que nous voyons représente les aventures de la belle Sigenoï. Tout l'intérêt est concentré sur un jeune enfant qui, tantôt comique, tantôt pleurard, paraît avoir toutes les sympathies du public. Indépendamment des acteurs, il y a sur la scène d'autres personnages vêtus de brun et que l'on est censé ne jamais voir. Les uns vont et viennent pour donner les accessoires ou faire fonctionner les becs de gaz. Les autres portent au bout d'un bâton une bougie qu'ils tiennent constamment devant la figure des acteurs principaux pour mettre en lumière les jeux de physionomie. D'autres enfin se tiennent derrière les personnages pour glisser sous leurs vêtements un tabouret quand ils veulent s'asseoir, leur passer un mouchoir, une tasse de thé, ou les rafraîchir à grands coups d'éventail. C'est justement dans les scènes émotionnantes que ces espèces de gnomes dramatiques interviennent, s'agitent, secondent les acteurs, comme pour les soulager dans la douleur et l'émotion qu'ils simulent. Pendant un entr'acte, nous allons dans les coulisses, où règne une grande animation. En effet, on nous prépare la plaque tournante. Lorsqu'une pièce nécessite de nombreux et rapides changements de décoration, on dispose deux décors accolés dos à dos. Le plancher de la scène peut tourner sur lui-même et au changement, un groupe d'acteurs s'en va par la rotation tandis qu'un autre apparaît dans un appartement tout différent. Cela permet même de représenter deux scènes simultanées en faisant voir au public tantôt ce qui se passe d'un côté, tantôt ce qui se passe de l'autre. Les machinistes se sont mis à leur aise et n'ont gardé que leur koshimaki blanc et la blague à tabac qui ne les quitte jamais. La jeune maîtresse de la belle Sigenoï paraît étouffée sous sa lourde robe de mariée. Quant à l'héroïne, elle n'y met pas tant de façon et relevant jusqu'à la ceinture ses robes de grande dame, elle rafraîchit ses jambes masculines. Les enfants des spectateurs ont envahi les coulisses, soit en passant à côté de la toile, soit en passant dessous. Les acteurs paraissent trouver tout naturel de voir leur scène transformée en école pendant la récréation. Dans un coin, les musiciens accordent gravement et avec un grand sérieux des instruments qui n'arriveront jamais à être dans le même ton. C'est en vain qu'on essaie de mettre à l'unisson les timbales avec le gong et le tambour avec la guitare. Car, en supposant qu'on y arrive, les instrumentistes auront toujours soin, par amour de la recherche et de l'étrange, de fausser la note le plus possible, ce qui est ici le suprême de l'art musical. Je remarque combien les types des acteurs sont beaux, délicats et distingués, soit par leurs traits naturels, soit par les lignes qu'ils ajoutent en se grimant. Ils reproduisent avec exactitude les nobles figures des peintures historiques. Le régisseur de la scène se met à frapper l'un contre l'autre, à coups pressés, ces deux rectangles de bois. L'entracte est fini et le rideau tombe, car le rideau ne se lève pas. À la fin des actes, il se déploie horizontalement et avec lenteur pour laisser plus longtemps le spectateur sous l'impression de la scène qui se continue. Mais à la fin des entractes, il tombe brusquement afin d'éblouir tout d'un coup le public par les splendeurs de la mise en scène. Puis des valets retirent l'étoffe par la coulisse. On change plusieurs fois de rideau dans une même soirée. Ces toiles couvertes de caractères cursifs des plus fantastiques, noir sur orange, blanc sur bleu, violet sur rouge, avec des liserés qui font relief, sont des cadeaux qu'on fait aux principaux acteurs qui voyagent avec leurs rideaux et leurs costumes. Il va sans dire que plus un acteur a de rideaux, plus il est célèbre, et que lorsqu'on veut parler d'un comédien de grand talent, on dit « c'est un homme qui a 6 rideaux ». Chapitre 32. Les aventures de la belle Sigenoï. Nous retournons dans la salle pour voir où en sont les amours de la belle héroïne. Car au Japon comme en France, il y a peu de pièces sans incidents amoureux. Voici d'ailleurs le sujet de la comédie assez dramatique à laquelle nous assistons. Sigenoï, jeune fille de la cour du gouvernement shogunal de Kyoto, a dans une cérémonie religieuse aperçu le beau Yosaku. Elle a été jusqu'à lui donner un rendez-vous dans le pavillon de la régente. Là, le jeune homme a perdu sa boîte à pilules. Il est compromis et obligé de fuir. On ne devrait jamais prendre médecine quand on est amoureux. Vous voyez où cela mène. Les lois à cette époque étaient excessivement sévères au sujet de la conduite des jeunes filles, ce qui ne les empêchait pas, comme on voit, de donner des rendez-vous aux jolis garçons. Or, Sigenoï, s'apercevant qu'elle va devenir mère, se sauve de la cour, car il y allait tout simplement pour elle de la peine de mort. Au moment où la toile vient de tomber, Sigenoï est revenue à la cour où l'on a fermé les yeux sur son aventure car elle a eu le soin de cacher son fils chez un parent. Le parent, homme négligent, s'est débarrassé de l'enfant et l'a confié à un maître d'école. Et, il n'y a qu'au théâtre japonais que l'on voit de pareilles coïncidences, le maître d'école est justement le jeune Yosaku, le père de l'enfant. Yosaku a vu passer un cortège princier. Sur les bagages, il a lu le nom de la jeune fille du gouverneur de Kyoto, et sur quelques colis, le nom de sa bien-aimée, la belle Sigenoï, qui est la suivante de la jeune princesse. Or, il apprend que la fille du régent va se marier le lendemain avec le prince Yamanauchi, fils d'un des deux régents de Kamakura. Alors, il fait habiller l'enfant en fils de Mago et l'envoie chez le prince, où il tombe en pleine noce. Santa, c'est le nom de l'enfant, sait qu'il doit trouver sa mère chez le prince, mais il n'en sait pas plus long. Arrivé à l'entrée de la galerie qui conduit aux appartements des femmes de la cour, Santa dit qu'il vient voir sa mère. Ces dames, frappées de la grâce et de l'intelligence de cet enfant, le font passer dans le palais. Siguenoï trouve que Santa a une vague ressemblance avec le fils qu'elle a mis au monde, et la vue des armoiries de son amant qui sont brodées sur le vêtement de l'enfant lui ôte tout doute à cet égard et lui fait voir qu'elle a réellement sous les yeux le fils à qui elle n'a pu s'empêcher de penser toujours depuis qu'elle est revenue à la cour. Ici, le comédien chargé du rôle de la jeune mère exprime d'une manière violente le combat qui se livre dans son cœur. Siguenoï veut embrasser son enfant, lui dire « mon fils », mais dans quelles circonstances ? Quel moment plein d'épouvante ? Elle s'agite convulsivement, et si le public ne comprend pas à quel point elle est perplexe, s'il ne voit pas à la fois ses transports de joie et ses élans de douleur, ce n'est certes pas la faute de l'acteur. Il est toujours bien entendu que, d'après les lois de l'époque, la malheureuse risque sa tête. Siguenoï demande à l'enfant « quel est le nom de ton père ?»« Mon père s'appelle Tamba Yosaku. »« As-tu ta mère ?»« Ma mère, répond-il, en pleurant, a disparu dès ma naissance. Papa m'a dit que je pourrais la voir ici. Si vous savez où elle est, dites-le-moi, oh dites-le-moi, je vous en prie. » Et l'enfant se traîne au pied de la belle. La jeune femme se sent fendre le cœur par ces mots qui réveillent ses sentiments maternels, mais comment s'expliquer en présence de tant de monde ? Et les convulsions dramatiques la reprennent. « Mon enfant, quelle est la profession de ton père ?»« Papa, c'est le maître d'école. Ordinairement, je ne porte pas cet habit. Mais papa m'a dit que je ne pourrais voir maman sans m'habiller ainsi. Pourquoi pleurez-vous ? Vous paraissez m'aimer autant que m'aimerait la mère que je cherche. Je ne veux plus vous quitter. » Il la retient par le bas de sa robe. La mère tremble que son secret ne se découvre. Elle est pourtant si heureuse de sentir son fils à ses pieds. Elle veut le repousser, mais sa main l'attire et le caresse. Elle va éclater et tout perdre. Heureusement, elle parvient à surmonter son émotion et dit d'un accent résolu « Que sa mère soit ici ou non, peu importe, mais du moment qu'elle a abandonné son enfant au berceau, elle n'est plus digne d'être sa mère. » Et Santa, qui comprend qu'entre cette femme et lui, il y a une barrière infranchissable, s'écrie tristement « Oui, si la mère a abandonné son enfant, elle n'est plus mère, et l'enfant n'est plus son enfant. » Il se décide à partir. La scène est longue, mais très palpitante. Le chœur, avec sa guitare, intervient à tout moment. Le chœur a des mouvements de joie qu'il réprime aussitôt pour sangloter en mesure. L'enfant est lent à s'en aller. La mère le rappelle et verse devant lui une somme d'argent. « Je ne veux rien recevoir de celle qui n'est pas ma mère. » Il part en suivant le grand chemin du public, se retournant à chaque pas pour voir une fois de plus sa mère qui ne cesse de pleurer. Dans les pièces japonaises historiques, c'est la guerre civile qui est le Deus ex machina. Le prince Sadamasa, l'autre régent de Kamakura, qui était resté tranquille jusqu'ici, s'aperçoit tout d'un coup que le mariage du prince Yamana Uchi, fils de son collègue et rival, avec la fille du régent de Kyoto, va donner à celui qui partage sa puissance une importance supérieure à la sienne. Et il prend les armes pour combattre le futur époux qu'il attaque au moment du mariage. Le jeune prince est mis en déroute et la princesse, sa future, évanouie dans les bras de Siguenoï, va devenir la proie du vainqueur. Mais Yosaku a quitté son pupitre de maître d'école et a pris son vieux sabre de guerrier. Il arrive sur le champ de bataille, à temps, pour sauver et la princesse et son amante. La pièce se termine à Kyoto, où le régent, pour récompenser Yosaku de son dévouement, lui rend sa place et lui fait épouser Siguenoï. Tout est bien qui finit bien. Du reste, nous n'attendons pas, pour nous esquiver, le dénouement de cette longue histoire. La pièce commencée à midi doit finir au lever du soleil. Et de même que nous nous sommes privés de l'exposition du sujet, nous nous contentons de nous en faire raconter les conclusions. Et nous retournons à l'hôtel en traversant les rues désertes où l'on ne rencontre que de rares policemen et de nombreux chiens errants. Épilogue. Peut-être le lecteur trouve-t-il qu'en voilà suffisamment. Quant à moi, je suis stupéfait d'avoir terminé un volume avec 3 épisodes. Un coup d'œil sur Yokohama, une excursion à Enoshima et une soirée au théâtre. Comment cela se fait-il ? Je ne fais que commencer. J'ai tant de choses à raconter. J'ai à promener le lecteur jusqu'à Yedo, la nouvelle capitale encore toute pleine du souvenir des taïkuns, jusqu'à Nikko, un site alpestre, au temple doré perdu dans les forêts, jusqu'à Ioé, la ville sainte aux rites étranges. J'ai à lui faire faire le voyage de Kyoto par le Tōkaidō, la plus belle route du monde, à lui faire visiter les temples et les palais de cette vieille capitale. Et Régamet a encore tant de croquis à exhumer de ses cartons. Ainsi c'est sa faute, il a fait trop de dessins. On n'a jamais vu un livre où il y ait tant d'illustrations, d'entêtes, d'initiales, de cul de lampe, de gravures hors texte, que le malheureux auteur n'ait plus la place d'aligner ses petites phrases. Je ne vois qu'un moyen de sortir d'embarras, c'est de dire, avec l'autorisation de l'éditeur, la suite au prochain numéro. Fin de la section 11.